بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Nous avons révélé le Coran dans la nuit sublime. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Sais-tu ce qu'est la nuit sublime ? La nuit sublime vaut plus que 1000 mois. Au cours de cette nuit, les anges et l'esprit descendent du ciel sur ordre de leur Seigneur. سلام هي حتى مطلع الفجر et répandent le salut jusqu'à l'aube.